journée avec les chefs, avec le marteau, on va prendre on va se mettre sur une surface métallique et on va taper pour former la tôle. Par exemple, pour commencer comme ça.